En ce lendemain de Saint-Patrick, la conduite de partie, elle est verte, elle est Irish ce matin. Bon, vous allez avoir du fun sur de la musique irlandaise. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Crosby, derrière à Aiguilla. Aiguilla vers Crosby! That's like, here's a shot! Henderson made a wild stab towards Bell. Here's another shot! Fight by the door! Henderson! And scores for Canada! Alors donc, 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand même tirés au retour! Et le but! C'est long et c'est carré. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. L'émission qui, ce matin, en plus de vous parler du sport de la Mauricie de partout à travers la planète, vous parle Irish. On salue ceux. On salue ceux qui ont abusé hier, qui ont bu beaucoup de bière verte, de whisky, de cognac, qui se sont fait plaisir dans les débits de boissons de la région. Alors, on espère que vous n'avez pas trop mal à la tête et que vous êtes avec nous ce matin. Sinon, ben, on est tout le temps en rediffusion. Vous pouvez écouter le podcast sur inconduitdeparti.com. Bon matin, messieurs. Bon matin, bon matin, bon matin. Bon matin, Philippe. En parlant de gars qui a sorti tard hier, là, oui, monsieur. Ah. Ce fut une soirée très agréable chez des amis dans le coin de Joliette. Brasserie artisanale L'Albion. Stout et Jameson, presque à volonté. Oh. Ce fut... fantastique. Un petit plaisir. L'autre voix que vous avez entendue, c'est Marc-Antoine. Ça va bien, Marc-Antoine? Ouais, moi, j'étais un peu plus tranquille. J'étais voir UQTR en spectacle hier soir. Ouais. Y avait de la bière aussi. Le Trou du Diable de Shawinigan et la brasserie Broadway étaient présents. Spécial qu'une brasserie de Shawinigan, comme on dit, un événement de Trois-Rivières. Ça fait déjà quelques années, par contre. Ouais. Alors, ce matin, à l'émission, on va vous faire, ben, comme vous entendez déjà, on va vous faire jouer beaucoup de musique irlandaise, de musique de tout genre, un petit peu en lien avec ça. Pour le franco, ben, j'y étais avec un peu de folklorique québécois, parce que le folklorique québécois, disons-le, a beaucoup d'ascendance sur la musique qui vient vraiment là, de la musique irlandaise, donc on se perdra pas à travers tout ça, donc on va pouvoir... on espère que vous allez aimer ça. Bref, on espère que vous allez aimer ça. Ce matin, on vous parle patriote, on va parler de soccer, on va parler de foot, soccer, patriote. On va parler de hockey, on va faire notre analyse de fin de saison du hockey chez les Patriotes. On va parler du Canadien de Montréal, victoire hier de 3-2 contre le Lightning de Tampa Bay. On va parler aussi de l'embauche de Ray Lalonde chez les Alouettes de Montréal. On va parler un peu quelles seront les conséquences par rapport à ça du côté du paysage sportif à Montréal. On va parler de boxe, Lucien Bouté qui est en action cette fin de semaine, samedi, contre un Irlandais, Brian McGee. Donc, on reste dans le thème. Là. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se battre avec... la Fighting Irish. La Fighting Irish, là, à la position de combat irlandaise typique. Et finalement, JP Grenier va joindre avec nous là en dernière demi-heure d'émission. On va parler de March Madness qui a débuté hier. Et j'espère que vous avez fait vos braquettes. Moi, Philippe, on les a faites. Ça va bien pour avec nous. Avec un certain succès. Avec un certain succès. Donc, allons-y tout de suite. Parlons des Patriotes, allons-y. Au soccer, les Patriotes étaient en action. Bon, la semaine dernière, ils ont remporté le quart de finale là, de la Ligue universitaire de soccer du Québec. Ce qui est très bien et ce qui les fait avancer à la demi-finale qui va se dérouler cette fin de semaine. C'est dimanche à 15h30 là, du côté du Centre Alphonse Desjardins, bien sûr au Cap de la Madeleine. Donc, pour ce match-là, on va affronter les Redmen de McGill. C'est pas une commande qui est nécessairement facile pour l'équipe, mais quand même, c'est un match qui est accessible. Lors du premier affrontement et du seul affrontement, devrais-je dire, entre les deux équipes cette année, ça s'est terminé par le pointage de 2-2. Donc, on peut voir que c'est un duel où est-ce que, bon, les deux équipes sont capables de rivaliser. Ça va être intéressant de voir ce qui va pouvoir se passer, là, à travers tout ça. Je discutais hier, là, la bonne nouvelle aussi du côté des Patriotes. Certains blessés vont revenir au jeu, dont Yannick Fournier. Je discutais avec Yannick hier, qui me disait, là, justement, qu'il est de retour. Et c'est une bonne chose parce que Yannick est un des joueurs, les plus importants, là, du côté, des Patriotes. Donc ça, ça va être un gros plus. L'autre gros plus, c'est que malgré le fait que McGill a terminé en deuxième position, un point à l'avance, d'avance sur les Patriotes lors de la saison, c'est tout de même le match va se dérouler à Trois-Rivières. Bon, parce que le centre Alphonse Desjardins, par sa grandeur, par l'espace qu'il le côté professionnel aussi de l'endroit, les équipes de la Ligue universitaire semblent préférer venir jouer à Trois-Rivières. Donc c'est McGill qui va se déplacer là du côté du centre Alphonse Desjardins. Donc c'est pas un match à domicile, mais pas loin, on s'entend. Je veux dire, c'est pas comme au hockey là où est-ce qu'on a le dernier changement là, on s'entend que c'est pas du tout la même affaire au soccer. Philippe, y a-t-il un avantage à jouer à domicile à part la foule? C'est ça. OK, merci. Full, donc. Ben, t'as le choix aussi, si jamais tu vas en dire de barrage, c'est toi qui choisis en premier. Ah, d'accord. Mais, à savoir qui commence avec le ballon, c'est tiré au hasard. Ouais, c'est tiré au hasard, hein. Même, tu te parles qu'on a le choix, mais la semaine passée, pour les fusillades, on a fait, on a flippé le 28. Je doute un peu de la qualité de l'arbitrage. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as très bien en douté. Je vais en douter encore cette semaine. Continue à en douter parce que les joueurs m'en parlaient, là, que c'était assez pénible. Merci. Il y a un conflit. C'est surtout assez ridicule comme conflit, là. Je suis en train d'un peu regarder ben ça. Juste le résumé. Un peu plus d'informations. Mais c'est très compliqué à essayer d'avoir de l'information. Le conflit se situe entre la Fédération des arbitres et Soccer Québec. Et puis, bon, la Ligue universitaire, elle doit continuer quand même de ses activités. C'est-à-dire que... Et là, on doit un peu là, se servir d'arbitre mercenaire, si on veut, là, glaner ici. De ce que je connais du conflit, est-ce qu'on m'avait dit, c'était du fait que la Ligue universitaire, en n'étant pas une ligue fédérée, exactement. On voulait pas que les arbitres fédérés du Québec arbitrent pour ça. Donc, c'est le conflit, alors qu'avant, ils allaient arbitrer là. C'est ça. Et là, c'est pour ça qu'on a des arbitres de deuxième ordre qui se pointent. Et en fait, ce qu'on dit du côté de la Ligue universitaire, c'est qu'on a beau pas être fédéré, mais c'est quand même une belle locomotive pour démontrer la qualité de l'arbitrage. Ah, ben, en tout cas, c'est ça. Allez, fédération, hein? C'est souvent, voilà. On est totalement déconnecté. On est trop déconnecté, surtout dans ce cas-ci. Dans le même bateau. J'ai parlé avec. J'ai demandé, après le match de dimanche la semaine passée, j'ai demandé à Pierre Clermont si c'était un avantage là, de jouer à domicile. On va l'écouter ce qu'il avait à dire sur le sujet. On va rester ici. Puis un des objectifs en début d'année, c'était de perdre aucun match ici. Que jusqu'à date, ça va bien. Puis comme les deux prochains sont ici, ben. Au moins le prochain. On dira pas les deux, on va dire le prochain. Il faut gagner la demi-finale, mais les gars, je pense, sont là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a utilisé beaucoup de joueurs en place aujourd'hui. C'est un avantage de t'en jouer à domicile comme ça? Je pense pas que ce soit un avantage ou un inconvénient. Il y a peut-être un petit... Il y a des avantages qu'on n'a pas, je dirais. C'est quand on va à l'extérieur, on part tôt, puis on attend longtemps avant de jouer notre match parce qu'on arrive pour le match des filles. Fait qu'on arrive au moins... C'est presque 5 heures avant notre match. Fait que ça, c'est long un petit peu l'attente. Là. Même si on va manger, là, tu sais pas trop quoi faire. Puis à un moment donné, t'es moins dedans. Tandis que là, les gars arrivent 1h15, 1h30 avant le match. En plus, les filles jouent pas avant nous autres. Fait qu'il y en a quelques-uns qui sont venus puis sont partis. Mais il y en a qui sont pas venus du tout aujourd'hui. Comme les filles jouent à midi. Fait que les gars sont plus prêts. Je pense que sans dire de la fatigue, mais c'est peut-être juste tu deviens amorphe un peu. Là. C'est pas de la fatigue comme telle. Là. C'est juste attendre. On a hâte de jouer. Puis là, t'attends. Là. Fait que ça, c'est moins intéressant. Un petit peu moins intéressant. Mais donc, c'était Pierre Clermont qui nous expliquait bon un peu pourquoi on était avantagé là, du côté des Patriotes de jouer à domicile pour ce match-là. Un autre avantage, ben c'est la foule, ça c'est sûr et certain. Au soccer, bon, je pense que c'est plutôt rare que la foule vienne jouer un rôle du côté du soccer universitaire. Là. C'est rare qu'il y ait des très grosses foules. Mais la semaine passée, je peux dire que les avec gars... Avec les chaudrons. Les chaudrons, les poils, les gars de hockey étaient là. Puis lorsque Sherbrooke a voulu faire un caucus à la mi-temps, les gars ont été... On s'est un peu mêlés. Ils ont été sperchés par... Réception audio. C'est ça. Donc, on a dû retraiter au vestiaire là, du côté de l'Université de Sherbrooke. Et c'est un avantage. Bon, il faut le prendre. Faut le prendre quand il est là. Et c'est drôle à voir les Patriotes et hockey et soccer s'échangent les outils pour faire du bruit là, du côté des deux troupes. C'est tout le temps les mêmes chaudières, les mêmes poils qui reviennent. C'est le fun. Et bon, il y avait plusieurs formations. Et il devrait y avoir autant de monde, j'imagine, là, pour le match en fin de semaine. Du côté de McGill, donc on va contre McGill plutôt. On vous rappelle l'heure, 15h30, ce dimanche, du côté du centre Alphonse Desjardins. Ça va, musique? On s'en va en musique. On va aller écouter un petit peu de Flogging Molly. Ouais. Excellent choix, ça. Je disais qu'on était Irish ce matin. Oui. On est Irish. Donc, Devil's Dance Floor, Flogging Molly, une tune assez Irish, merci, avec un petit peu de flûte, ce qui est plutôt rare qu'on peut entendre ça dans peu importe le style de musique. Donc, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou! Right in front of me, color of her eyes were the color of insanity. Crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. But I'll just dance it, I'll never stand for. Bounce with a little more, a little more, and then there we go. Swing a little more, a little more next to me. Swing a little more, a little more, and then there we go. Swing a little more on the devil's dance floor. Pressed against her face, I could feel her insecurity. Might have been a drunk and a was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. But she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now, on the devil's dance floor. Well, swing a little. Ben, me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduite de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. On va continuer à parler des Patriotes, mais cette fois-ci, on va y aller pour le hockey. On sait, les Patriotes ont été... Alors que, ben, je vous dis quelques petites nouvelles avant de tomber directement sur les Patriotes. On se souvient qu'ils ont été éliminés par les Redmen de McGill qui ont, bon, accédé directement au championnat national. Ont ensuite remporté la Coupe Queens face aux Mustangs de Western qui, eux aussi, accèdent directement au championnat national. Je vous parle de ce qui se passe dans les deux autres conférences au Canada. C'est-à-dire, tout d'abord, dans l'Atlantique, c'est présentement une compétition entre, un combat, même, je vais dire, entre UNB, l'Université du Nouveau-Brunswick, qui, eux, sont assurés d'aller au championnat national parce que ils le reçoivent. Donc, ils sont assurés de recevoir, plutôt, devrais-je dire, le championnat national. Et les Saint FX, les Xavier... Non, les X-Men, excuse, Xavier, c'est aux États-Unis. Les X-Men de Saint FX, Saint-François d'Assise, si on pourrait traduire ça. Saint-François-Xavier? Ouais. OK, excuse-moi, trompé de saint. C'est pas grave. Donc, c'est une série qui est âprement disputée là, du côté du Nouveau-Brunswick. C'est le premier match a été remporté 3-2 en prolongation. Le deuxième, 2-1 par UNB, par Saint-FX. Alors, c'était UNB le premier. Saint-FX a remporté deuxième en 2-1 en deuxième prolongation. Après ça, UNB ont remporté le troisième match. Saint-FX a remporté le quatrième match. Et le match ultime, c'est ce soir, 7h, du côté du Aitken Center à l'Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton. Donc, c'est très serré. C'est vraiment la série qui va se terminer plus tard. Une chance pour eux, on n'a pas à voyager beaucoup. Les deux équipes sont déjà assurées de faire le championnat national, là, d'une manière ou d'une autre. Et on n'a pas à voyager beaucoup de l'autre côté, dans la Canada Ouest. Bon, ben, l'Alberta a battu les Dinos de Calgary en deux matchs. La dernière s'est terminée 8-1, donc c'était facile. On le sait, les Golden Bears sont une coche en haut de tout le monde. Ça va être une bonne équipe. Donc, c'est ce qui conclut. Donc, ça va être les Dinos, officiellement, les Golden Bears, Saint-FX, UNB, Western, McGill, du côté du championnat national. Donc, parlons des Patriots, qui se sont fait, éliminer contre McGill. Mais que, si vous voulez mon avis, messieurs, on n'a pas grand-chose à se reprocher, là, du côté des Patriots. Avec le nombre de joueurs qui avaient de blessés, dans cette formation-là, l'entraîneur Jacques Laporte me disait à la fin du match, le dernier match, bon, qu'il y a 7 gars qui n'auraient pas dû dans un match de saison, qui n'auraient pas participé à ce match-là. C'est sûr que du côté de McGill, on avait des bobos aussi. Je suspecte Francis Véropas de ne pas avoir été à 100%, parce que quand je regardais, bon, sa façon de... Il est plus dominant que ça un petit peu sur la glace d'habitude, puis il vient plus souvent, mais Véropas, c'est un peu comme Kamal Harry. Va se placer dans la région générale du sac des mises en jeu à la droite du gardien de but et va attendre pour recevoir une passe, décocher un tir. C'est là qu'il excelle beaucoup, en plus d'être un joueur intense, bon, tout ça. On n'a pas beaucoup de choses à se reprocher, là, comme je disais, du côté des Patriots. Je pense, par contre, qu'on a vu des choses intéressantes en séries éliminatoires, parce que c'était une saison vraiment là en deux temps là, du côté de l'équipe trifluvienne. Autant qu'on a eu une saison très moyenne, certains diront, ouais, mais là, Nicolas, ils ont quand même fini au deuxième rang. Qu'est-ce qu'il y a à se reprocher de finir au deuxième rang? C'est pas ce à quoi on est habitué de voir du côté des Patriots. C'est-à-dire une équipe qui... normalement, on est habitué à des équipes qui dominent, qui vont perdre 3-4 matchs dans la saison. On en a quand même perdu 9 là, cette saison là, du côté des Pats. On a tout juste devancé par un point Carlton, deux points Nipissing. Des équipes qu'on normalement on est bien meilleur qu'eux. Et on a fini bon à 11 points de McGill, qui même ont perdu deux de leurs trois derniers matchs environ. Là, deux de leurs quatre derniers matchs plutôt. Donc... du côté des Pats, très moyen comme saison, mais je pense que la fin de saison a donné une bonne éducation de ce que doit être le hockey des Patriots pour les nouveaux joueurs. Parce que là, on a beaucoup de départs. Francis Charlin, Étienne Bonavance-Martin, Jean-Christophe Blanchard, Guillaume Chicoine, Nicolas Désilet, Philippe Ronsard et Steve Bellefleur qui quittent l'équipe. Donc l'an prochain, ça va être un noyau de joueurs assez différent, merci. Qui va se greffer à l'équipe. Le noyau va être très différent. Et là, du côté de l'équipe, d'arriver avec des séries solides comme ça, oui, où est-ce que, oui, ça n'a pas été facile. On a dû battre Concordia en trois matchs. Oui, ça n'a pas été facile. On a dû battre Carlton en trois matchs. Et ça a été encore plus difficile contre McGill. Mais au moins, écoute, de toutes les formations, dans les cinq dernières années qu'on a eues à l'UQTR, qui étaient des puissances, qu'on terminait avec trois défaites, il n'y avait pas une fois qu'on avait réussi à battre McGill en séries éliminatoires. C'est immense, là, pas une fois. Là. Et là, au moins, on a réussi à en remporter une ici du côté du Colisée de Trois-Rivières. Ouais, une victoire de 6-1. Mais on en parlait plutôt au courant des émissions précédentes. Là. C'est peut-être le fait justement que les Patriots ont perdu plusieurs parties durant la saison. Le fait qu'ils ont dû apprendre à gagner avec les nombreuses absences, tout ça, qui sont arrivés en série fort et avec une énergie, et avec un système de jeu peut-être différent, plus protecteur, plus défensif, qui a fait que finalement ils ont gagné quelques parties. Et... C'est que oui, je suis totalement d'accord, Marc-Antoine. C'est qu'on a arrêté de se fier seulement sur notre talent. C'est ça. Se fier à, ben oui, mais on est les Patriots, on est forts, puis on a des maudits bons joueurs, puis ça sera pas un problème. On a compris à ce moment-là, quand les joueurs tombaient comme des mouches, alors qu'ils commencent à faire moins deux, que on pouvait pas continuer à jouer le type de jeu qu'on jouait On devait se mettre à bloquer des tirs, à payer le prix, ce qu'on n'avait pas fait durant le trois quarts de la saison. On a vu l'émergence de certains joueurs aussi, des Pierre-Alexandre Jonca, entre autres, là, que je peux parler, qui, écoutez, je vais vous dire les stats de Jonca, là, durant cette saison-là. C'est assez phénoménal de voir la progression que ce gars-là a connu durant la saison régulière. En 28 matchs, a accumulé 16 points. Dans les séries éliminatoires, en 9 matchs, a accumulé 14 points. Donc, une récolte vraiment. Et même, je pourrais vous dire, là, du côté de Jonca, la fin de saison là aussi a été assez solide. Merci, parce que je vous dis ça dans quelques secondes. Les points, Jonca avait encore moins de points. C'est vraiment, il a fait la majorité de ses points en fin de saison et durant les séries éliminatoires. Et on a vu, bon, un gars là, du côté des Patriotes qui va peut-être pouvoir prendre le flambeau. Voyez-vous, dans les 5-6 derniers matchs, désolé, je comptais là. Dans les 6 derniers matchs, a accumulé 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. 7 points dans les 6 derniers matchs de la saison. Et ensuite, c'est là que ça s'est allumé là, du côté de Jonca. Et c'est assez révélateur de ce que ce gars-là peut faire. Malgré sa petite taille, il va créer beaucoup d'espace. Je pense que le trio qui complétait avec Breton et Bellavance a été clairement le meilleur trio de toutes les séries éliminatoires, particulièrement quand d'autres joueurs jouaient sur seulement une jambe. Bon, je pense à Francis Charlin, qui a été, c'est plate à dire, mais un non-facteur durant ces séries éliminatoires-là. Dommage, parce que c'est un des joueurs les plus solides du côté des Patriotes normalement. Par contre, on a vu une belle réplique de la part de Olivier Donovan et Félix Petit, deux qui se sont trouvés. Félix Petit, je pense qu'on peut lui donner la palme de joueur des séries éliminatoires là, du côté des Patriotes, avec Jean-Christophe Blanchard, qui, lui, pour sa dernière année, alors qu'on connaissait beaucoup de problèmes, ça a été une saison très, très décevante du côté de Blanchard, arrivé en série. La part aussi de Sébastien Charpentier, le nouvel entraîneur des gardiens, arrivé en série, a connu ses meilleurs moments et au bon moment, là, devrais-je dire, là, du côté de Blanchard. On a explosé au bon moment du côté des Pats. On a vu aussi là, on a revu les beaux moments de l'an dernier là, avec Étienne Bellavance-Martin et Jean-Sébastien Breton qui complétaient avec Jonca. On revoyait le Étienne Bellavance-Martin et Jean-Sébastien Breton de l'année dernière. Ça a quand même pas été un début de saison super facile là, pour les gars. Donc en plus des blessés, bon, on les a nommés Alexandre Demers, Francis Charland, qui ont manqué quand même cruellement à l'équipe tout au long de la saison. Et les gars se sont pas abattus, ils se sont pas servi de ça comme une excuse, et je pense que ça, c'est super important de transporter pour les joueurs qui vont rester, de transporter ça l'an prochain. Puis je pense justement à Alexandre Demers, Jean-Sébastien Breton, qui vont être là encore l'an prochain, qui vont former le cœur des vétérans de cette équipe-là. Ça va être très intéressant avec un Félix Petit, un Olivier Donovan, avec une saison de plus dans le corps. Ça va être très, très intéressant. Très intéressant. Félix Petit qui a joué un gros rôle en série aussi. Un autre qui a joué un gros rôle qui va être très intéressant à voir l'an prochain, c'est le défenseur Maxime Robichaud, qui a connu une saison sublime, des séries incroyables. Qui est vraiment ma recrue de l'année, le Robichaud, là, qui, début de saison, bon, a été blessé au début de saison. Après ça, m'avait pas impressionné plus qu'il fallait, même si on me l'avait vendu comme un bon joueur capable de bien se débrouiller. Et, on a vu une progression dans son cas là, à partir de la mi-saison, qui est devenu un défenseur solide, bloque les tirs, capable d'aller chercher quelques points peut-être aussi là, sur la fiche. Ouais, peut-être avec les années qui s'en viennent, peut-être prendre la place d'un Joannis là, qui a cruellement manqué aussi en début d'année au Pats. Ouais, ben, c'est pas tout à fait le même type de joueur. Non, mais essayer de prendre, peut-être sans nécessairement prendre la place telle quelle qu'occupait Joannis, mais peut-être prendre cette case-là encore laissée vacante là, et encore plus avec le départ de Nicolas Desilets, de général, si on veut, à la ligne bleue. Là. Ouais, ben, Pierre-Luc Lessard va surtout occuper ce poste-là. Ouais. Lessard, 29 points en saison, 7 points sur 9 matchs en séries éliminatoires, a connu des séries éliminatoires, très bonne saison pour Lessard. Meilleur marqueur du côté des défenseurs, si je me trompe pas. Il est deuxième après Marc-André Dorion. Là, j'ai pas les statistiques devant moi, mais Marc-André Dorion de McGill. Donc, c'était une saison en deux temps, et bon, oui, on se fait encore éliminer par McGill, et le Zone Campus qui sort ce matin va pouvoir, je vous ai livré, bon, si les gens qui sont intéressés, je vous ai livré, bon, le résumé des séries éliminatoires. Et oui, je titre la première la une, c'est éliminé par McGill, 3 points encore. Mais il n'y a pas juste ça, faut pas s'arrêter au fait que c'est McGill non plus. faut s'arrêter au fait qu'on a quand même bâti quelque chose, je pense, du côté des Patriotes. Et cette année, encore moins que les autres années, il y a à rougir d'avoir perdu contre McGill. Ouais, c'est ça. Les autres années, on finissait premier au classement, puis on se faisait sortir en deux, puis on n'était pas dans le coup du tout quand arrivé contre McGill. Cette année, on l'était dans le coup. Et puis, on a ébranlé peut-être un peu les Redmen, bon, qui sont saisis très rapidement. Mais c'est très prometteur quand même pour ce qui s'en vient. Ben, ça, c'est très prometteur. Je vais être bien franc avec 7 joueurs qui vont devoir, minimum 7 joueurs qui vont devoir se greffer à l'alignement. Je pense que c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui est prometteur. On va vous tenir au courant des recrues qui vont s'aligner à l'équipe. Toutefois, quelqu'un qui dit je m'en viens avec l'UQTR, ça veut pas dire qu'il va signer. On l'a vu l'an passé avec la Ligue nord-américaine, un gars comme Adam Leblanc-Bourque qui a signé avec je pense c'est Saint-Georges-de-Beauce au lieu de s'en venir ici, un Marc-Antoine Gina dans les filets qui aurait pu être très utile cette année. Pas que Vincent Lamontagne a fait un mauvais travail quand on l'a appelé, mais Gina aurait été très utile, avait quand même joué ses 20 ans avec Shawinigan, mais il s'est dirigé vers les professionnels aux États-Unis. Donc, c'est jamais coulé dans le béton ce qui va se dérouler là, du côté des Pats, donc puis du côté des recrues signées. Mais on vous tient au courant là-dessus et dans les prochaines semaines, ça va une pause. Au retour, on parle du Canadien de Montréal, de cette victoire contre la Ligue de Tampa Bay, des coups à la tête et tralali, tralala. Vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. N'hésitez pas à nous joindre live à commercial inconduitedepartie.com et notre site web, ben, tout simplement inconduitedepartie.com. C'est fou, c'est dans vos oreilles. 89-1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Une seule rencontre était disputée hier dans la LHMQ alors que Rimouski rendait visite aux juniors de Montréal. La partie s'est soldée par un pointage de 4-2 en faveur de l'équipe locale. Le junior atteint donc le cap de 100 points cette saison. Au hockey de la Ligue nationale, maintenant, le Canadien recevait la visite du Lightning de Tampa Bay avec de nombreux joueurs en infirmerie, dont Plekanex et Alpern. Jean Martin a dû rappeler Nigel Dowse et Aaron Paluchai d'Hamilton. Les 60 minutes de temps réglementaire n'ont pas suffi à déterminer un vainqueur et on a dû se rendre jusqu'en tir de barrage pour voir Nigel Dowse et Michael Camilleri lui donner la victoire aux siens. De leur côté, les Prédateurs de Nashville viennent aider la cause du Canadien en battant les Bruins de Boston en prolongation par la marque de 4-3. Avec un match en main, les Bruins sont donc encore 3 points d'avance sur Montréal en 3e position dans l'Est. Toujours dans la Ligue nationale, le joueur des Canucks de Vancouver, Manny Malhotra, sera à l'écart du jeu pour une période indéterminée. Malhotra a reçu une rondelle déviée près de l'œil gauche et a dû subir une opération. À la boxe maintenant, le combat opposant Renard Saint-Just et Alejandro Berrio n'aura finalement pas lieu. Le gérant du boxeur de Repentigny, Hugues Jean-Claude, a confirmé jeudi que son protégé ne partira pas au gala de samedi en raison d'une laryngite. À l'absence de Saint-Just, la demi-finale sera donc assurée par Pierre-Olivier Côté qui affrontera Michael Lozada. De son côté, Bouté affrontera Brian McGee. Au tennis, maintenant, Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi d'Indian Wells en vainquant le Croate Ivo Karlovic en 3 manches 5-7, 6-1 et 7-6. C'est la 6e fois de suite que Nadal atteint les demi-finales lors de ce tournoi. Au sport amateur, maintenant, les dirigeants de Hockey Québec et de Hockey Mauricie se sont réunis mercredi à l'hôtel Delta de Trois-Rivières afin de discuter de la prochaine Coupe Doge qui se déroulera en Mauricie le 6 avril prochain. Au total, c'est plus de 3000 hockeyeurs double lettre qui sont entendus dans la région. La Mauricie reçoit les finales provinciales pour la 3e fois de son histoire après les éditions de 1984 et 1998. De leur côté, les filles devront plutôt se diriger vers la région de Montréal alors que pour la première fois, les volets féminins et masculins de la compétition ne sont pas disputés dans la même région. Au sport universitaire, maintenant, les Patriotes soccer masculins sont en série éliminatoire et recevront l'Université McGill dimanche après-midi à 15h30. Plus tôt dans la journée, les deux autres équipes en demi-finale, soit UQAM et Laval, s'affronteront également. Les deux rencontres sont disputées au Centre Alphonse Desjardins. Voilà, c'était vos informations de l'inconduitedepartie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Now you have your chance. My boys, destroy your baby. moi. La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends tout. Écoutez, moi, l'hymne national! Le conduit de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'était Dropkick Murphy, State of Massachusetts. Pour ceux qui disent, voyons, ça me dit de quoi cette chanson-là? Oui. C'est la chanson de Nitro Circus, le thème. Mais c'est surtout Dropkick Murphys qui viennent de sortir un nouveau CD tout juste à temps pour la Saint-Patrick. J'aurais aimé ça avoir l'information tout de suite. Mais qui, à toutes les Saint-Patrick, Dropkick Murphys, c'est un groupe, bien sûr, à descendance irlandaise pour... y aller avec le thème de l'émission aujourd'hui, mais qui sont de Boston et qui font au moins 4-5 spectacles de vraiment de fil sans arrêt à côté de dans la région de Boston, tout simplement. À l'époque, c'était 3 spectacles dans un club d'à peu près 2000 places, mais maintenant on fait des, voyez-vous, ils vont être au Tongass Arena, ou ont été plutôt au Tongass Arena de Lowell, et donc on ça se continue hier soir qu'ils étaient là pour la Saint-Patrick, pas plutôt hier soir, ils sont là. Ils sont en spectacle aujourd'hui, demain, le 20 aussi, là, du côté de Boston. Donc, et c'est sold out. C'est sold out, il n'y a rien. Partout. Ça. Si vous voulez les voir le plus tôt possible, c'est à Strasbourg, en France. Oui, effectivement. Le 15 avril. Donc, bonne chance, mesdames, messieurs. Vous avez aussi une chance, là, le 16 avril à... attention, Ringlockspuken. Oh, en Allemagne. En Allemagne, d'accord. Guten Tag. Poutine Tag. Donc, il se joint à nous directement par téléphone, M. Jonathan Bernier de Rue Frontenac. Ça va bien, Jonathan? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Numéro 1. Jonathan? Je pense que t'as pas de billet pour ton spectacle là, du groupe que t'as mentionné, si t'es arrivé en retard. Ouais, non, ben, j'aurais arrangé de quoi? Boston, c'est 6 heures? Non, mais je veux dire, c'est parce que tu savais pas quelle date c'était. Ah, OK, non. C'est plus, j'avais pas fait mes recherches. De l'improvisation comme ça, là, c'est encore pire. Avec eux autres, t'arrives de bonne heure pour la Saint-Patrick, tu passes 4 jours là, puis tu reviens... Ouais, c'est ça, c'est un bon plan. Tu reviens alcoolique. Jonathan, Canadien était en action hier du côté du Centre Bell, ils affrontaient le Lightning de Tampa Bay, et on a livré une bonne performance, là, malgré les éclopés là, du côté du Canadien, on a livré une bonne performance, ce qui fait qu'on sort avec 2 points. Malheureusement, on en a laissé un aux éclairs de Tampa Bay. Oui, mais dans les circonstances, je pense que c'était même déjà une surprise que le Canadien l'emporte hier. Il était privé de 9 joueurs réguliers. Donc, on a démontré beaucoup de caractère. Puis les jeunes qui ont été rappelés d'Hamilton ont aussi voulu, je pense, laisser une bonne impression à Jacques Martin. Donc, ils ont contribué à la victoire du Canadien. Entre autres, Nigel Dawes avec son but en tir de barrage. Puis Aaron Palouchai, pendant la rencontre, là, a eu plusieurs belles chances de marquer. D'ailleurs, il a été utilisé là, pendant près de 5 minutes en troisième période, ce qui est à peu près le je vous dirais la moitié de son temps d'utilisation hier. Ça découle du fait que Benoît Pouliot a été assis par Jacques Martin après sa punition stupide. Mais je pense que le jeune Palouchai avait aussi démontré des belles choses dans les deux premières périodes, donc il méritait son temps de glace un peu plus grand en troisième. Ben je me rappelle, Jonathan, que tu nous disais en début de saison que tu avais bien aimé la performance de Palouchai au camp d'entraînement. Puis aussi que tu voyais quelque chose de bien pour l'attaquant de 21 ans. Tu penses que ça semble se concrétiser ou c'est plus l'adrénaline du premier match? Moi, je pense qu'il y a un talent certain. C'est sûr que là, tu le dis, on parle juste d'une rencontre. Ça se peut qu'après quelques rencontres, là, il revienne un peu à la normale. Puis d'ailleurs, lui-même, quand je lui ai parlé dans le vestiaire après le match, il semblait surpris d'avoir réussi aussi bien à sa première rencontre dans la Ligue nationale. Il s'attendait à ce que la différence, on veut, ou le pas soit plus grand à franchir entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Mais ceci dit, là on parle pas pour cette année, mais j'ai bien confiance que l'an prochain, ou en tout cas dans un avenir rapproché, là, qu'il va se tailler un poste régulier avec l'équipe. S'il travaille comme il l'a fait hier, là, il devrait pas avoir de difficultés à faire sa place et à obtenir des bonnes chances de marquer là, soir après soir. D'ailleurs, c'est un des meilleurs marqueurs dans la Ligue américaine présentement. En fait, si on exclut David Desharnais, là, qui est toujours le premier marqueur des Bulldogs, là, si on l'enlève de la liste, c'est Palouchai qui devient le premier marqueur des Bulldogs. Ça fait longtemps en plus que Desharnais, il est oui. Là. Jonathan, le fait qu'il manquait 9 réguliers, on vit encore beaucoup d'émotions avec le cas Pacioretty là, du côté du Canadien. Je veux pas te repiquer avec ça, mais toi qui disais que bon, tu voyais pas le Canadien faire les séries, de voir un club qui réagit comme ça, malgré toute l'adversité, sais-tu à quel point tu trouves que c'est bon signe pour les séries éliminatoires? Ben, écoute, c'est bon signe dans le sens où on revoit présentement le système que Jacques Martin avait mis en place qui a permis aux Canadiens d'avoir du succès dans les séries l'an dernier. Donc, le système semble à nouveau à point cette saison. Et aussi, on ne se fera pas d'illusions, Carey Price y est pour beaucoup dans les succès de l'équipe. D'ailleurs, hier, là, on parle du travail acharné des joueurs du Canadien, on parle du travail des jeunes aussi, mais Carey Price avait plusieurs arrêts du bout de la jambière, des arrêts pas commodes avec de la circulation devant le filet. Il y avait l'arrêt aussi en échappé contre Steven Stamkos. Il a connu tout un match hier, puis il connaît d'ailleurs toute une saison, mais juste dans les derniers matchs, là, il s'est vraiment tiré son épingle du jeu à l'absence des nombreux blessés. Mais pour ce qui est des séries, en tout cas, je ne sais pas, là, on verra aussi, c'est sûr qu'il est le premier adversaire, parce qu'encore une fois, si le Canadien devait affronter les Bruins ou les Flyers, ça semble être moins le cas, parce que le Canadien semble être pris dans le milieu du peloton, là, mais devenant un affrontement contre les Bruins, je ne sais pas de quelle façon il pourrait s'en tirer. On serait-tu plus content d'affronter Pittsburgh si jamais on réussit à atteindre le cinquième rang? Moi, je pense que oui. Oui, je pense que oui, comme l'an dernier, c'est le Canadien, c'est pas la recette est la même que l'an dernier. C'est une équipe petite, mais c'est une équipe rapide. C'est une équipe qui est capable de rivaliser avec des équipes qui jouent un peu le même style que lui. Quand le Canadien affronte des équipes plus robustes, c'est là qu'il connaît le plus de difficultés. Donc, puis avec le système, encore une fois, défensif mis en place par Jacques Martin et le fait que les Pingouins sont décimés aussi par les blessures, là, en tout cas, peut-être que d'ici au début des séries, il y aurait eu des retours, mais à ce moment, là, les deux meilleurs marqueurs sont absents. Donc, je pense que le Canadien aurait une meilleure chance d'affronter une équipe comme Pittsburgh, effectivement. D'accord. Le prochain match contre Boston va peut-être aussi un peu dicter, là. Ouais. Ce qui va en être pour un potentiel affrontement en série, parce que, bon, on le voit, quand les Bruins jouent au hockey, ils sont pas capables de suivre le Canadien. C'est en vitesse, quand on se contente de jouer au hockey pour jouer au hockey. Et puis, bon, ben, il sera intéressant de voir comment les Bruins vont réagir. Exactement, un match qui va avoir lieu jeudi prochain, d'ailleurs. Ouais. Et puis, oui, t'as raison, on va peut-être voir à partir de ce moment-là l'espèce de pattern que va adopter les Bruins, mais moi j'ai l'impression qu'advenant un affrontement contre le Canadien en série, et sachant que la seule victoire que les Bruins ont acquis contre le Canadien cette saison, c'est en jouant robuste, je pense que c'est le style de jeu qu'ils vont adopter. Jonathan, je faisais la lecture du Rue Frontenac cette semaine, celui qui est sorti bon hier, qui est disponible à tous les bons endroits du côté de Trois-Rivières, sinon d'au Cap, sinon pour ceux qui écoutent sur le campus. Tu nous parles, bon, sans grande surprise, des commotions cérébrales dans la Ligue nationale. C'était cette semaine, bon, la réunion des directeurs généraux, où normalement on en profite pour remettre en question quelques règlements un peu superficiels avant d'aller jouer au golf. Dans la légalité des spinoramas. Ouais, les spinoramas. Ouais, n'importe quoi. Ça. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de toute cette réunion-là et ce festival de discussion? Ben écoute, pour la deuxième année consécutive, la réunion s'est tenue quelques jours seulement après un incident fâcheux. Là, cette année, c'est l'incident Pacioretty-Chara. Et l'an dernier, c'était la mise en échec de Matt Cook. Oui. Ah, oui. Sur David Booth. Et puis, c'est ça, David Booth, me semble? Oui. Marc Savard. Oui, c'est ça. Marc Savard, excusez. Puis, bon, l'an dernier, ce coup-là avait mené à la mise en place du fameux règlement 48 là, qui interdit désormais les mises en échec en provenance de l'angle mort où la tête est particulièrement visée ou devient le point de contact. Là, ça commence à être vague comme règlement. Puis un an plus tard, il faut se rendre compte que ce règlement-là, finalement, est tout simplement inutile. Parce que l'an dernier, il y a eu 82 commotions cérébrales dans toute la saison de la Ligue nationale. Et cette année, là, à date de dimanche, quand j'ai écrit mon texte, là, on était rendu à 75. Donc, le nombre de commotions cérébrales est sensiblement, en fait, est le même. Si on étire jusqu'à la fin de la saison, probablement que ça va être égalé. Et l'autre preuve que ce règlement-là est inutile, c'est la Ligue nationale elle-même qui l'a fait, car elle a dit pendant sa réunion de cette année que... il y avait eu une seule mise en échec provenant de l'angle mort cette saison. Bon. Ah, oui, mais à première vue, tu te dis « Wow, c'est bien ça, ils ont quasiment arrayé le problème ». Mais là où tu te rends compte que c'était futile, c'est que l'an dernier, il y en a eu seulement 4 mises en échec de ce genre-là. Donc, ils ont construit un règlement pour 4 cas isolés. au lieu d'y aller at large, un peu comme l'avait recommandé l'Association des joueurs, et d'interdire la plupart des coups à la tête, là, avec des petites nuances, là, mais d'y aller dans un règlement un peu plus serré. Comme l'a fait la NFL un peu. Ça, exact. Okay. Donc, c'est selon, on s'est rendu compte que, bon, eux, ça ne sont pas rendus compte, mais nous, on s'en rend compte que le règlement est inutile. Et puis, encore une fois, cette année, Gary Bettman et, en fait, les directeurs généraux et Gary Bettman ont pu contourner le problème là, en mettant sur pied une espèce de plan ou de protocole là, en 5 points là, pour essayer de réduire le nombre de commotions cérébrales. Mais ça touche en rien le contact lui-même, la mise en échec elle-même. C'est plus ce qui entoure la game de hockey, comme par exemple l'équipement. Bon, il va y avoir une équipe dirigée par Brendan Shanahan qui va étudier les pièces d'équipement pour savoir est-ce qu'il y a une façon... réduire les épaulettes, entre autres. Est-ce qu'il y a une façon de les réduire pour pas négliger la protection du joueur qui les porte, mais tu sais, qui va avoir moins d'incidence sur l'adversaire qui est frappé. On ramène les bonnes épaulettes en cuir. Des épaulettes en cuir avec les petites copes en plastique. Ouais, c'était beau ça. Bon, avant de revenir au jeu, le joueur qui a subi un coup, qui a reçu un coup à la tête devrait être examiné par le docteur. Ben, ça, c'est surprenant que ce soit pas déjà comme ça. Ça a commencé hier, Brian Gionta, qui a justement dû aller à l'infirmerie après le coup de tête, coup d'épaule, coup de coude, c'était pas clair exactement. Ouais, mais en fait, je pense qu'ils se sont pas vus ni un ni l'autre. La tête de Gionta a comme rentré dans la poitrine de gagner, qui regardait même pas sa direction. C'est sûr que Gionta, à grandeur qu'il y a, c'est plus risqué, c'est plate à dire. Là, c'est dans ces gestes-là, c'est dans ces choses-là qu'on peut comprendre le fait d'éliminer tous les coups à la tête, si ça peut apporter... Je comprends les dirigeants un peu de peut-être vouloir nuancer ça, parce que justement, si on mettait vraiment tous les coups à la tête, un coup comme hier, Gagné puis Gionta, ben, ça aurait fini en une suspension. C'est pour ça qu'il faut peut-être... Ouais, mais c'est ça, mais à un moment donné aussi, tu essaies de... C'est poussé, là, mais... Ouais, je comprends, mais je veux dire, on s'attend à ce que les dirigeants fassent preuve un peu du jugement aussi là-dedans. Puis, on comprend que c'est un coup à la tête, on comprend que le coup d'hier, c'était vraiment involontaire. Ça fait confiance à tes arbitres aussi, je veux dire, là... Déjà qu'on leur remet dans les mains un lot de responsabilités effarants, si en plus on leur fait pas confiance, on les appuie pas dans les décisions qu'ils prennent, ben forcément, tu sais, le joueur... On a pu voir à Montréal. Exactement, là. On chasse le joueur du match, mais on le suspend pas. C'est exactement ce qui va arriver dans le cas de Vincent Lecavalier encore là, dans les prochains instants. Là, on va apprendre que Vincent Lecavalier a un bonus de 3 millions de dollars pour s'être fait sortir d'un match là, ou quelques inepties de la sorte. Mais bon, c'est exactement, c'est du côté de la ligne, on prend pas le parti de ses arbitres. Alors comment veux-tu que les arbitres appliquent le règlement en sachant jamais sur quel pied danser? Non, mais c'est ça, là, ils sont comme entre deux chaises, puis là, ils hésitent toujours. En tout cas, ils font du mieux qu'ils peuvent, puis au fil des ans, là, on se rend compte effectivement que, tu sais, on a souvent blâmé les arbitres là, pour un peu de laxisme, là, surtout à l'époque où il y avait beaucoup d'accrochage, puis on disait qu'ils serraient le sifflet en troisième période, là, mais je pense qu'ils font un bon travail depuis, surtout depuis le retour du lockout. Je pense que la balle est maintenant dans le camp la faute est maintenant dans le camp des dirigeants là, qui semblent être un peu dépassés par les événements, si on peut s'exprimer ici. Et certains joueurs ont même recommandé de ramener un peu l'accrochage. Ouais, Paul Gill, entre autres. Ouais, de ralentir ouais, un peu. Ça va l'aider aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais effectivement, puis ça, c'est bizarre que ça revienne. Ben en fait, c'est pas bizarre que ça revienne 5 ans plus tard, mais au moment où on éliminait la ligne rouge en permettant la passe de 2 zones, quand on éliminait l'accrochage, les joueurs ou l'association des joueurs avait averti les dirigeants. C'est bien beau augmenter la vitesse du jeu, mais attendez-vous à ce qu'il y ait des contacts pas mal plus solides et plus dangereux. Puis bon, ben pour la beauté du spectacle et pour le plaisir des amateurs, bon, on a passé encore une fois par-dessus l'opinion des joueurs. Puis on voit ce que ça donne aussi. Oui, le jeu est plus spectaculaire, mais effectivement, ça devient des fois assez rapide. Puis on parle souvent, là, ça me fait penser, on dit souvent ça va prendre un mort sur la patinoire pour enrayer les mises en échec à la tête. Mais moi, ce que j'ai peur qu'il arrive, d'après moi, le mort, il n'arrivera pas par une mise en échec. Il va arriver par un coup de patin à la gorge. Parce que premièrement, bon, les joueurs portent pas de protège-cou. Belle vengeance. Et puis, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, dans le temps où le jeu était moins rapide, où il y avait les mises en échec étaient moins percutantes, quand un joueur recevait une mise en échec, souvent, il tombait de côté, ou il s'affaissait, si on veut, comme une poche de patate, comme on dit, là. Mais à cette heure, le jeu est tellement rapide, les contacts souvent sont face à face, que quand les joueurs se font frapper, les patins lèvent dans les airs. Ouais. c'est vraiment, ils sont comme projetés dans les airs, puis les patins là, puis moi, tu sais, souvent, je regarde les, puis souvent, ça passe proche. Là, il y a encore Ryan O'Byrne, il y a quelques semaines, qui ouais, a eu un une, coup une centaine de points de suture. Donc, puis ça aussi, ça sera, en tout cas, là, on va s'attarder au coup à la tête pour commencer, mais le port du protège-coup pourrait peut-être être obligatoire aussi, là, dans un avenir pas trop loin. Là. J'ai donc l'impression qu'on est loin de ça, par exemple, parce que nous-mêmes, dans les ligues de garage, on n'en porte pas pour la plupart, donc... J'ose espérer qu'on n'arrivera pas à des règlements de ce genre dans la LNH, là, ramener l'accrochage, je veux dire, il y a... On a fait évoluer le sport, puis là, ouais. On voudrait le faire régresser pour revenir à... La question, c'est est-ce que c'est régresser ou c'est assurer la sécurité de ses joueurs, quitte à nuire au spectacle? Mais c'est parce que tu punis les coups à la tête, point barre. C'est pas juste les coups à la tête. Je me souviens encore de la super mise en échec de Brian Campbell sur R.J. Hamburger en série éliminatoire il y a plusieurs années. C'était une mise en échec légale dans le centre de la glace. Ouais. Il n'y avait pas de coups à la tête. C'est correct, ça. Mais il y avait tellement de... C'est que si quelqu'un aurait nué Hamburger à la sortie de zone avec un petit peu d'accrochage, jamais il se fait ramasser par l'Express Campbell. Donc, c'est de voir, mais si ça peut sécuriser, ça peut aider à la sécurité des joueurs, c'est pas nécessairement négatif. Par la sécurité, Jonathan, je fais le lien avec, Max Pacioretty. On a annoncé hier qu'il pourrait être de retour pour les séries éliminatoires, 3-5 semaines. Est-ce que c'est un diagnostic qui t'inquiète un peu? Ben, moi, à tout le moins, qui me surprend, ça, c'est sûr. Ouais. Qui m'inquiète, quand j'ai appris la nouvelle, oui, je me suis dit que... T'sais, il me semble que c'est rapide. Là, ce qui est cocasse, c'est qu'avec tout le tollé que ça a provoqué, les directeurs généraux s'en vont dans leurs 3 jours de retraite fermée, sortent de leurs 3 jours de vacances, puis le lendemain, on apprend que Max Pacioretty va revenir au jeu pour les séries. Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent, eux autres? Ils doivent se dire, on sait bien, là, ils ont mis ça pire que c'était parce qu'ils voulaient nous faire bouger. Ils voulaient nous faire réagir. Puis là, maintenant que la réunion est finie, les conséquences sont beaucoup moins néfastes que ce que l'on pensait à l'origine. Finalement, il n'y avait pas de raison de suspendre Charles. C'est ça. On avait raison. On a pris la bonne décision. On le savait. Là. Mais pour revenir à Pacioretty lui-même, je me demande. Moi, c'est surtout la commotion qui m'inquiète parce que j'ai su que la façon dont il s'était fracturé la vertèbre, que ça, il y avait plus de danger. Une fois que ça va être guéri, puis c'est comme n'importe quelle fracture, parce que la vertèbre n'était pas déplacée. Donc, à ce moment-là, une fracture, ça reste une fracture. Une fois que c'est soudé, bon, ça, c'est beau, mais les séquelles de commotion cérébrale, ouais. ça peut durer longtemps. Puis, tu sais, je prends l'exemple, là, d'Eric Lindros, mais lui, il est revenu beaucoup plus vite que ça, là, mais, tu sais, il avait été averti de faire attention, puis parce que c'était un 7e match contre les Devils, il avait décidé de revenir au jeu, puis sur sa première présence, sa deuxième présence, il s'était fait attendre de pied ferme par Scott Steven. Je pense que c'est ça que, sans mettre fin à sa carrière, ça a changé sa vie carrément. Ça a changé sa carrière carrément aussi. Fait que des fois, je me demande si on devrait pas être patient. Puis, pourquoi qu'il attendrait pas là, l'année prochaine? Il n'y a rien à perdre de si grave que ça, que mis à part sa santé, justement. Surtout à l'âge qu'il a, là, il est jeune encore, le Pacioretty, ouais. Mais d'un autre côté, je me dis que le Dr Mulder, qui est une des sommités dans la Ligue nationale, doit savoir ce dont il parle. Là. Mais en tout cas, on verra bien. Là. Mais moi, j'étais surpris et je suis craintif un petit peu. Jonathan, le Canadien affronte les Rangers de New York ce soir, le Wild du Minnesota, dimanche. On va parler du match de ce soir. C'est quand même, malgré que l'écart commence à se creuser là, entre les deux équipes, entre Montréal et les Rangers, il y a maintenant 7 points de différence. C'est un peu un match de 4 points. Là. L'équipe, si le Canadien l'emporte, on soude de plus en plus notre 6e place. Exact. Ce soir, c'est l'occasion de regarder vers l'avant. Avec une victoire ce soir, moi j'ai l'impression que le Canadien va semer ses poursuivants, puis il va pouvoir se concentrer exclusivement sur les équipes qu'il devance au classement. Encore une fois, Thomas Plekanec et Jeff Halperin vont être absents. Ils ne seront pas du match à Minnesota non plus parce qu'ils n'ont pas fait le voyage avec l'équipe. Donc en tout cas, il restera à voir si l'adrénaline d'hier sera transportable au match de ce soir. As-tu plus d'informations sur Plekanec et Halperin? Non, on n'en sait rien. On ne sait pas à quelle occasion la blessure est survenue. On parle encore une fois de la, du bas du corps, mais sans précision. Ah, on a une région, au moins. Comme dit Jacques Martin depuis les trois derniers jours, blessé au bas du corps va être évalué demain. Ben, c'est ça. Puis, on pensait bien que quelqu'un nous a dit au jour le jour, là, au lendemain du match contre Washington, on pensait bien que, bon, ils ont appelé Palouchet et Daz pour l'entraînement matinal en cas que. Mais on pensait bien que Plekanex et Alperns tiraient du match d'hier, de la façon dont Jacques nous parlait, mais là, finalement, c'est une absence de quelques matchs, là, ce qui n'était pas prévu au départ. Je ne sais pas si les diagnostics ont été changés en cours de route, là. Mais en tout cas, ils devront se passer des deux joueurs pour toute la fin de semaine. Ou pour une fois, vu que ça va bien dans la saison, on a décidé de ne pas prendre de chance avec ça. C'est une manière de voir ça, le fait qu'on réévalue ça, qu'on pousse un peu ça, mais bon, ça va bien du côté du Canadien. Donc, En même temps, c'est un bon point du côté de Plekanec, s'il va pouvoir se reposer et être peut-être enfin, pour une fois, frais et dispo pour les séries éliminatoires. Oui, ça se peut très bien. Là, c'est sûr, là, ça, on lutte plus pour une place en série, donc on peut se permettre peut-être des congés un petit peu plus prolongés là, dans le cas des joueurs qui sont le plus utilisés, comme notre ami Roman Amerlik, entre autres, qui disputait hier un 1300e match dans la Ligue nationale, puis a joué presque 30 minutes. Là, c'est assez spectaculaire à 37 ans. Mais en tout cas, là, je m'éloigne là, pour revenir aux Rangers. Restera à voir aussi si Jacques Martin va donner un départ à Alex Hold, qui avait bien fait là, au Madison Square Garden plus tôt cette saison. Étant donné qu'on a deux matchs en 24 heures, peut-être que ça serait l'occasion pour envoyer le vétéran dans l'action. Jonathan, en terminant, tu as parlé tantôt, bon, on parlait de blessures au bas du corps, puis bon, d'un peu du contrôle de l'information là, du côté du Canadien. Après la pause, on va discuter, nous, de l'embauche de Ray Lalonde chez les Alouettes de Montréal. As-tu déjà vu Lalonde aller bon un peu avec le Canadien? Comment il fonctionnait? Oui, ben en fait, je pense que l'arrivée de Ray Lalonde avec les Alouettes, là, c'est le début d'une nouvelle ère. Sur le plan marketing, je parle. On parle depuis qu'il est en poste là, que bon, les Alouettes, c'est une équipe gagnante depuis 10 ans, mais qui n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir dans les médias, entre autres, et dans le public. Puis, faut se rappeler que Ray Lalonde, qui était directeur du marketing pour le Canadien, c'est à lui qu'on doit les célébrations du centenaire, et c'est à lui qu'on doit aussi toute la série de produits dérivés du Canadien qui a été mise en marché depuis les 10 dernières années. Donc, le volet visibilité de ce Ray Lalonde, c'est un expert là-dedans. C'était probablement le meilleur dans la Ligue nationale. Puis, attendez-vous, dans les prochaines années, à avoir de plus en plus de chandails, des Alouettes dans les rues, puis probablement aussi des fanions sur les autos, au même titre que ce que le Canadien avait pendant les séries. Puis, j'ai su, d'ailleurs, ce matin, que l'an dernier, par exemple, pendant les éliminatoires de la Ligue canadienne, il y a des gens qui voulaient se procurer des fanions pour mettre sur leur véhicule, puis il n'en restait plus. Les magasins étaient en rupture de stock. Puis ça, c'est un... Ça n'arrivera pas avec lui. Ça n'arrivera pas, inquiétez-vous pas. Là, comme je vous dis, c'est... avec Ray Lalonde, j'ai bien l'impression que les Alouettes vont être reconnues à leur juste valeur dorénavant. Puis même chose pour les. Je sais que les billets de saison, là, il en reste encore de disponibles. C'est pas rempli comme au Centre Bell. Les loges corporatives, ça se vend difficilement. T'sais, les Alouettes ont essuyé quelques déficits malgré des années gagnantes. Puis j'ai l'impression que le tournant là va être fait avec M. Marketing lui-même. Ça va être intéressant de voir avec la montée en marketing aussi de l'impact avec les Alouettes, voir comment chacun va tirer son épingle. L'impact s'en va à MLS l'an prochain. Puis si les Alouettes veulent pas perdre leur place médiatique, étant donné que là, bon, il va y avoir véritablement deux équipes dans les circuits majeurs, là, c'est ça. Là, c'est le temps de passer à l'offensive immédiatement pour se créer une clientèle fidèle qui partira pas du côté du soccer. Là. Effectivement. Jonathan, ben nous, on va en reparler après la pause. De ton côté, on te souhaite une belle fin de semaine. Merci, vous autres aussi. Salut. On se parle la semaine prochaine. On se parle la semaine prochaine, comme toujours. Okay. Salut, Jonathan. Donc, c'était Jonathan Barnier de Rue Frontenac. N'hésitez pas à lire les textes de Rue Frontenac. Bon, ruefrontenac.com, là. Fait trois fois que je le dis dans la même phrase. On s'en va une pause. Au retour, on continue la discussion sur Ray Lalonde. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Today. gros Maurice s'en a plein d'eau, il faut que c'est non rendu plate. Il a commencé à me raconter tous ses problèmes et ses déboires. C'est bien qui est toujours cassé, c'est moi qui a payé à boire. Roulé sur l'or, la grosse vie, le chalet d'or, normal qu'on y a fraudé son patron. Il a même fait un petit peu de prison. Après ça, il est devenu gambler. Il a perdu sa chemise au poker. Il a envie dans le fond de son box. Je fais 1000 piastres à mon Shylock. C'est vrai que la vie est une salope. C'est vrai aussi que t'as pris toute une drogue. Mais laisse-moi pas aller, Maurice. Attends-moi deux minutes pour que j'aille une piste. T'étais avec lui pour l'oseille, c'était la femme à Yves Corbeil. C'est vrai que la vie est une salope, c'est vrai aussi que t'as pris toute une trompée, laisse-moi pas aller, Maurice. Attends-moi deux minutes pour que j'aille tirer une piste. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de Sif. Fou. Il est présentement 10h12. On va parler de l'avenue de Ray Lalonde avec les Alouettes de Montréal dans pas très long. Mais tout d'abord, Philippe, une nouvelle que, toute fraîche qui vient de tomber là sur les fils de presse. Soccer, bon, normalement, on a ta chronique soccer les vendredis. On s'était dit on la fera pas aujourd'hui parce que justement, cette nouvelle-là devait tomber un petit peu plus tard que ça. Elle vient de tomber, donc parle-nous ça de ça rapidement là, et on en reparle plus en profondeur lundi. Effectivement, en fait, lundi, je vais vous revenir sur les résultats des matchs là avec les marqueurs. Donc, qui passe en quart de finale, mais on a déjà les équipes qui sont en quart de finale. Donc aujourd'hui, c'était le tirage au sort pour la ronde quart de finale et les affrontements seront les suivants. En fait, Real Madrid va affronter Tottenham. Tottenham qui est une grosse surprise cette année et Real Madrid qui semble avoir retrouvé ses aises. Ça va être extrêmement intéressant. Ça, c'est le quart de finale 1. Le quart de finale 2 qui est probablement le plus... qui va être assurément le plus couru. Chelsea qui affronte Manchester United. Donc la bataille des clubs anglais, ça va être très gros. Comme quart de finale. Ensuite, Barcelone affronte le Shakhtar, probablement là une victoire relativement aisée du côté de Barcelone et l'Inter de Milan qui affrontera le Schalke. Donc Inter de Milan qui est la seule équipe italienne encore en course voudra évidemment là venger un peu l'honneur de l'Italie. Et je vous reviens avec plus de détails là-dessus lundi. Ça va être très intéressant. Je suis vraiment excité de voir les affrontements des quarts de finale. T'es excité, ça se voit. Ça se voit d'ici en dessous de la table. Philippe, franchement, les gars. Philippe, Marc-Antoine. Nicolas. C'est moi. Julien à la régie. Messieurs, on a engagé Ray Lalonde. Bon, pour ceux qui connaissent pas Ray Lalonde, on en parlait avec Jonathan il y a quelques minutes. Ray Lalonde, c'est le génie marketing en arrière de tout ce qui s'est passé avec, bon, le Canadien de Montréal les dernières années. On a trouvé le moyen du côté du Canadien, alors qu'on était une équipe très conservatrice au niveau de la publicité, parce que bref, on n'en avait pas besoin dans nos têtes. On a, grâce à Ray Lalonde, passé au 20e siècle, 21e siècle plutôt, c'est-à-dire où est-ce qu'on doit aller chercher les partisans et essayer d'accroître les revenus en leur vendant le plus de produits dérivés possible. On a réussi à faire ça avec Ray Lalonde et là, Monsieur Lalonde vient d'être engagé comme président. Il va des Alouettes de Montréal. Il va prendre la relève de Larry Smith. Larry Smith, qui était un génie pour ce qui est des relations humaines. Bon, aller dans les médias, rencontrer les gens, c'est un aide qui est un sympathique, qui est sympathique plutôt, beaucoup d'entre gens. Du côté de Lalonde, ça va être très différent, vous allez voir, monsieur. Ray Lalonde, c'est un peu, je dirais pas le contraire de Larry Smith, mais peut-être beaucoup moins sympathique et beaucoup plus axé sur la performance. Et je crois que du côté des Alouettes, on a fait le choix parfait dans ce cas-ci. Pour deux raisons. Premièrement, Lalonde, langue française, c'est parfait au niveau d'aller chercher les francophones, il n'y a pas de problème. Mais on a surtout... Alors que quand Larry Smith est arrivé, et avec les premières années des Alouettes, je dirais jusqu'à 2005... plus ou moins, on jouait la carte sympathique. On jouait la carte, regardez, on est votre club de football, venez nous voir, on va avoir du fun, c'est plaisant, il est beau notre petit stade sur la montagne, au moment qu'ils ont déménagé sur la montagne, bien sûr, là, probablement le déménagement qui a sauvé la vie des Alouettes. C'était l'attitude, qu'on avait du côté de Larry Smith. Mais là, je pense que depuis 2005, et encore plus depuis, justement, que l'impact de Montréal ont connu une montée, je dirais quasiment fulgurante. Je veux dire, il fut une époque où il y avait 2000. Mérité. Si tu veux mon avis, c'est une ascension méritée. On a enfin reconnu à juste titre. Je dirais pas mérité. On l'a mérité. C'est ça. OK? Mais une ascension fulgurante du fait qu'il y avait 2000 personnes qui allaient voir les matchs et maintenant il y en a 13 000. On a été chercher les familles, tout ça. Et ce qui a sans aucun doute fait mal à l'impact aux Alouettes, on a été chercher un king du marketing, un gars qui est diplômé du côté de Lalonde. On est diplômé de Penn State. Voyez-vous, je vous sors ça. Là. Hey, écoutez, je vous sors le programme à Penn State qui donne le cours, là. Je trouve pas, là. Tu sais, quand tu le veux, tu l'as pas. Quand tu l'as, tu le veux plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on passe en mode professionnel du côté des élèves. Ouais, c'est ça. Il est disputé. Il y a une maîtrise en sciences de l'administration du sport de l'Université de Penn State, en plus d'un baccalauréat à l'Université McGill. Je ne sais pas comment ça coûte suivre ce cours de maîtrise-là, mais j'ai le goût en maudit de le suivre, là. Honnêtement, là, une maîtrise de l'administration du sport, là, c'est quelque chose qui peut être tellement pratique présentement. Donc, du côté de Lalonde, on a été chercher, comme tu dis, c'est fini l'équipe familiale, l'équipe de régionale, si je peux dire, c'est un marketing à petit club. T'sais, on voyait pas grand. Et là, du côté de Lalonde, on vient d'aller chercher un gars qui, mais attention, parce que du côté de Lalonde, moi j'en ai entendu parler, selon ce qu'on m'a dit, c'est pas le gars qui est le plus sympathique avec ses employés. On contrôle beaucoup l'image et c'est vraiment pas le gars qui est le plus sympathique avec ses employés, c'est un gars qui est extrêmement demandant. D'un point de vue extérieur et d'un point de vue de son employeur, quelqu'un qui est demandant envers ses ouailles, c'est pas mauvais, là, mais du côté de Lalonde aussi, on est président, là, donc ça vient avec encore plus de responsabilités que le marketing, donc seulement du côté du Canadien de Montréal. Et je suis vraiment curieux et beaucoup plus, et je suis très intéressé de voir ce que ça va donner si on va se mettre à remplir le stade sur la montagne, les 25 000, mais surtout accroître la visibilité des Alouettes à travers Montréal, parce que, soyons francs, là, quand on s'assied avec les partisans, pour la plupart des partisans, quand on leur demande, OK, nomme-moi 5 joueurs des Alouettes, t'as pas le droit de dire Calvillo, tu peux plus dire Cahoun, bonne chance. Ouais. C'est loin d'être tous les partisans qui sont capables de nommer les joueurs, qui sont capables de nommer la ligne, encore moins la ligne à l'attaque ou la ligne défensive. On va nommer les Québécois, ça s'arrête là très souvent. Et c'était d'ailleurs un peu le marketing qu'on avait utilisé dans les dernières années, c'est-à-dire on mettait beaucoup Mathieu Proulx, Étienne Boulay de l'avant. parce que c'est deux gars qui, bon, qui paraissent bien puis qui ont un bon français, un bon vocabulaire. On avait mis de l'avant, bon, AC, parce qu'AC, c'est AC, c'est normal qu'on le mette de l'avant. Cahoun, c'était plus difficile parce que je pense pas que Cahoun est très intéressé à faire ce genre de campagne publicitaire-là, donc c'était plus difficile. C'était les joueurs qu'on mettait de l'avant, surtout. Et là, on devra changer totalement la façon de faire parce que Proulx est plus là. Et ici, il en reste pas pour longtemps. Il reste Étienne Boulay. On devra se trouver, bon, un peu des étoiles, des porte-étendards, ouais, du côté des Alouettes. Et je suis curieux, surtout toi, Philippe, bon, qui vient du monde du soccer un peu. La rivalité entre les Alouettes et l'Impact. Cette année, un peu moins, là, parce que le travail n'est pas encore fini du côté de l'Impact. On n'est pas encore en MLS. Mais l'an prochain, du côté, une fois qu'on va avoir fait le grand pas du côté de l'Impact, comment tu vois le si on peut dire, la confrontation entre les deux? Ben, j'ose espérer qu'on a un assez grand marché de sport au Québec pour éviter la confrontation qui pourrait être fatale à une des deux équipes. Je m'explique. En fait, je crois que on a assez de potentiel sportif au Québec pour faire vivre à la fois l'Impact, le Canadien et les Alouettes. Évidemment, le Canadien est dans une classe à part, draine la province au complet. Dans le cas des Alouettes et de l'Impact, ce qu'on permet, c'est de l'accès à du sport professionnel de très haut niveau à des gens qui sont peut-être moins prêts à payer aussi cher. C'est beaucoup moins cher assister à un match de football, assister à un match de soccer. Ouais. Et ça va être intéressant parce que justement, on en parlait un peu avec Jonathan, on vise sensiblement les mêmes publics. Mais du côté de l'Impact comme du côté de l'Alouette, on va, selon moi, un peu délaisser la petite famille avec la poussette. Ouais. Je pense qu'on va y aller beaucoup plus pour le Mais c'est pas ce que Joey Saputo puis disait, on voulait continuer. Non, mais forcément, je veux dire, il n'y a pas un propriétaire qui va dire non, venez plus avec vos enfants, on veut plus de famille. Non, mais il pourrait dire on veut aller bâtir, au lieu de pousser, on veut bâtir notre j'ai juste le terme en anglais, notre fan base, notre groupe de spectateurs qui sont agressifs au match, mais tu sais, qui poussent l'équipe, les ultras, si on veut dire. Je dis pas qu'on en aura plus, mais ce que je veux dire, c'est que selon moi, on va tenter de faire cohabiter différents publics. Et c'est à ce niveau-là où on va peut-être avoir une compétition du côté entre l'Impact et les Alouettes, c'est que justement le public familial va avoir le choix beaucoup plus. Et on va le voir avec le marketing qui va être fait du côté des Alouettes. Forcément, c'est en réaction à ce qui se passe du côté de l'Impact. Je vois pas d'autres points que ça pour causer justement cette nomination d'Ouvrir Lalonde à ce poste des Alouettes. C'était probablement l'homme, ça prenait un président, Le choix est tout à fait logique, là, c'est le choix parfait. Mais justement, on cherche un changement de cap du côté des Alouettes. On brasse un peu la cabane parce que du côté de l'Impact, on l'a fait. Et puis justement, on gagne en popularité de façon exceptionnelle. Donc ça va être très intéressant. Mais j'ose espérer qu'on n'aura pas une compétition qui pourrait nuire à une des deux équipes. J'ose espérer qu'on est capable, dans un marché de 3 millions de personnes, de faire vivre deux sports. Évidemment, OK, on va encore une fois sortir le Canadien. Je mets le bleu, blanc, rouge de côté. Évidemment, j'ose vraiment espérer qu'on est capable de faire vivre deux sports, et surtout qu'on va avoir deux sports de très haut niveau. Ouais, et d'autant plus que l'Impact, on sait, RDS, c'est quand même plusieurs personnes qui écoutent ça, là. Et RIA, je crois qu'il va suivre les matchs de l'Impact, là, en deux. Radio-Canada. Ça va s'en aller du côté, à partir du moment que le foot va passer l'Impact va passer à la MLS, ça va tomber inévitablement avec RDS parce que c'est eux et TSN qui ont les droits. Ce qui est pas de mauvaise chose. Ça va permettre aux gens de l'extérieur de la région de Montréal de suivre. Attendez, les gars, j'ai rien compris de ce que vous avez dit. On parlait vraiment. Ouais, vas-y. Ben, moi, je dis que ça va permettre aux gens à l'extérieur de la région de Montréal de pouvoir suivre quand même. On pouvait le faire avec Radio-Canada. Ouais, Radio-Canada, c'est pas en canadien. C'est ce qui n'est pas le cas de RDS. Moi, selon moi, c'est justement un des points qui va faire en sorte que, selon moi, moi j'aimais mieux à Radio-Canada. Puis du côté de Radio-Canada, on l'avait en direct au moment du match sur les ondes de Radio-Canada, à moins qu'on ait une programmation qu'on ne pouvait pas déplacer, auquel cas on l'avait en direct gratuitement sur le radiocanada.ca. Ce qui ne sera... ne crois pas que ce sera le cas au niveau d'RDS. On peut utiliser RDS. Ah oui, mais je suis d'accord, mais RIS, tu sais, RIS, c'est payant. Le câble aussi, c'est payant. Ouais. RDS, c'est sur le câble, mais RIS, faut payer une coche de plus. Moi, ce que j'ai plus l'impression, c'est que un soir où il y a un match des Alouettes et un match de l'Impact. Et là, j'espère que les deux formations vont se consulter quand ça va être le temps de faire les calendriers. Je veux dire, il y a 16 matchs de la Ligue canadienne au calendrier. Je pense qu'on est capable de les placer. Mais encore, les vendredis soirs, souvent, c'est les matchs des Alouettes parce que c'est le Friday Night Football à TSN. Donc, ça revient quand même souvent. Sinon, c'est dimanche. J'espère que du côté de la MLS, du côté de l'Impact, on va être capable de se consulter pour pas se piler ses pieds. Parce que ça sera pas mieux, là, si on se met à se piler ses pieds pis à essayer de se voler les partisans. Je pense qu'on doit faire. C'est pas nécessaire. Tu parlais que c'était le même public. Je pense pas tout à fait non, que c'est le même public. Beaucoup d'immigrants, d'immigrants de deuxième, troisième génération. Bon, leurs enfants vont aller vers l'Impact parce que quand le niveau va monter, des gens qui se foutaient de la MLS... les Eurosnobs. Des gens qui se foutaient de la USL parce que c'était un calibre de ligue de garage vont être plus intéressés à se dire « Bon, mais hey, Thierry Henry, d'ici en fin de semaine, on va-tu le voir un petit peu? » Alors que du côté du football, je pense que du ballon ovale, c'est un autre type de partisans, mais je pense que c'est des partisans qui ont beaucoup, beaucoup besoin d'être éduqués. Et c'est pourquoi l'arrivée de Real Alone, bon, va être très positive dans ce point-là pour donner une visibilité supérieure aux Alouettes. On parlait d'RDS. La seule chose qui m'inquiète, moi, puis ce qui me fait dire ça, c'est que j'espère juste que si les deux matchs sont le même soir, je doute fortement que RDS envoie deux équipes de production. Effectivement. On dépense rarement pour une équipe de production, c'est pas le Canadien de Montréal. Donc, imagine deux équipes de production, j'en doute fortement. Sur ça, on s'en va en musique. On s'en va écouter du Capitaine Revolt. Je reste dans le folklorique un peu, là, dans le violon et les choses comme ça ce matin dans notre inconduite de partie Irish. Capitaine Revolt, Fabule, au retour. On parle de hockey à Mauricie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. L'inconduite de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Vous voulez réécouter l'émission inconduitedepartie.com, notre site où vous pourrez retrouver podcast et plusieurs textes, là, y allant de mon opinion sur la société sportive au complet. Rapidement, messieurs, on va passer parce que le temps avance extrêmement rapidement, là. Si ça continue, on va skipper les sujets. Alors, je vais avec le hockey à Mauricie rapidement. Hockey junior majeur, il y avait pas de match cette semaine, là, du côté des Cataractes. On dispute un match, par contre, c'est ce soir, c'est demain plutôt du côté de Val-d'Or et dimanche du côté de Rouyn-Noranda, 19h et 16h respectivement. Donc, pas grand-chose à dire. C'est loin l'Abitibi. C'est pas très utile pour vous de le savoir. Drummondville-Rouyn. Bon, ben Drummondville aussi est à Rouyn-Noranda en fin de semaine. Donc, pas de hockey. Le seul hockey que vous allez pouvoir voir, c'est Montréal. Le junior de Montréal qui est à Victoriaville. C'est ce soir du côté du Colisée de Desjardins. Donc, déplacez-vous. Les gens de Trois-Rivières, déplacez-vous à Victoriaville si vous voulez voir un bon petit match. Louis Leblanc et tous les joueurs de ce niveau-là là, et du junior de Montréal qui d'ailleurs a changé de président. Petite nouvelle, le rapport là, rapidement, ce ne sera plus Martin Routier qui va être le président du junior de Montréal. Ça va être plutôt Sébastien Courcel qui évolue présentement avec Ted Furman, si je ne me trompe pas, là, dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, c'est un assez gros tournant là, côté présidence du junior de Montréal. Et peut-être que ça prenait, là, les foules sont pas excellentes. On donne beaucoup de billets là, du côté de la Ligue junior majeure, ben, de la Ligue junior majeure, du côté du junior de Montréal plutôt. Dragons du Collège La Flèche, les Dragons sont en action cette fin de semaine. Ils disputent deux matchs. Tout d'abord, ce soir, ils seront dans la région de Montréal pour affronter le Collège Harrington. Ça se déroule au centre d'entraînement Sport Rousseau, la glace 1, du côté de je pense c'est Blainville, si je me trompe pas. Et Blainville ou Terrebonne, je suis pas tout à fait sûr. Et le lendemain, samedi, à 13h45, du côté du pavillon Claude-Mongrain, les Dragons du Collège La Flèche recevront le Cégep Saint-Laurent. Et bon, c'est un match du coup Harrington, ça sera pas un très gros match là, du côté des Dragons du Collège de la Flèche. Le Collège Harrington qui est pas une puissance au classement, d'ailleurs ils sont derniers, donc quand je disais pas puissance, du côté de Saint-Laurent par contre, c'est un match de 4 points là, parce que il y a 38 points, les deux équipes ont disputé 33 matchs, la Flèche a 42 points alors que Saint-Laurent a 38 points, donc c'est eux qui les suivent au classement. Nouvelle dans la Ligue aussi, on a dévoilé les trois étoiles de collégial masculin. Et la deuxième et troisième étoile vont respectivement Mathieu Nolin et Jean-Philippe Leduc des Dragons. Bon, pour les deux joueurs, ils ont été devancés seulement par Sébastien Bourgard, qui lui évolue avec le Collège Harrington. Donc, dites-vous une chose, bon ben les deux joueurs, les trois joueurs vont s'affronter ce soir, vont se rencontrer plus tôt dans ce match. Je vous parle aussi rapidement, j'ai oublié de vous en parler, les étoiles de la semaine là, du côté de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, je reviens là-dessus. Ty McGinn remporte la première étoile, Peter Sakaris la deuxième et Jacob Gervais-Chouinard, le gardien du côté de Val-d'Or qui remporte la palme. Et finalement, au hockey de la Ligue nord-américaine de hockey, la saison régulière de la Ligue est maintenant chose du passé. C'est le temps de séparer les hommes des enfants. Donc, les séries éliminatoires qui commencent, ça débute ce soir dans tous les arénas de la Ligue. Chez Caron et Gay, bon, mais la première ronde va être contenue l'autre que le 3L de Rivière-du-Loup qui ont terminé dernier au classement. C'est la troupe de Donald Brasher. On avait parlé qu'il s'était passé du bras camarade entre les deux formations il y a quelques semaines. Brasher qui avait... Péter les plombs entre autres, mais il avait pas été le seul à péter les plombs. Julien Ellis, là, qui avait servi un solide coup de hache à un joueur du 3L de Rivière. C'est triste d'avoir vu que cet événement-là a un peu obscurci là, toute la saison du Corongay, surtout dans les médias. C'est ça qui arrive, ouais, exactement. Là. Gars, j'en c'est parle. Les médias, on cherche le coup de hache qui va provenir du semi-pro pour en parler, alors qu'il se passe du très des beau hockey plus à 95%. Eh oui, t'as bien raison, c'est ça le moyen qu'on trouve d'en parler, malheureusement. Ouais. Le format des séries cette année, bon, ben le Cool FM de Saint-Jean, en terminant, il y a cette équipe, hein, donc le Cool FM de Saint-Georges reçoit une passe droite, ne dispute pas de match en première ronde. Le format des séries, c'est des 3-5, alors la 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5 pour ces séries éliminatoires-là dans la Ligue. Donc, tout simplement, là, du côté de, bon, j'ai dit le 3L de Rivière-du-Loup contre le Caron-Aiguë ce soir. On va avoir aussi, là, je vous sors ça dans quelques secondes, Sorel va affronter Sherbrooke. Et Saguenay va affronter Thetford Mines du côté de Thetford Mines. Sherbrooke aussi est l'équipe qui reçoit dans sa série, dans leur série respective. Donc c'est ça. Et ben c'est pas mal ça. Je vous dirais là du côté de la Ligue nord-américaine de hockey, du hockey à Mauricie. On s'en va à une pause. Au retour. On parle de boxe rapidement. Lucien Bouté, son combat contre Brian McGee en fin de semaine. Et ensuite, JP Grenier se joint à nous pour parler de basketball. Le March Madness qui a débuté hier. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. À l'UQTR, c'est dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Une seule rencontre était disputée hier dans la LHMQ alors que Rimouski rendait visite aux juniors de Montréal. La partie s'est soldée par un pointage de 4-2 en faveur de l'équipe locale. Le junior atteint donc le cap des 100 points cette saison. Au hockey de la Ligue nationale, maintenant, le Canadien recevait la visite du Lightning de Tampa Bay avec de nombreux joueurs en infirmerie, dont Plekanec et Alpern. John Martin a rappelé Nigel Dowse et Aaron Paluchai d'Hamilton. Les 60 minutes de temps réglementaire n'ont pas suffi à déterminer un vainqueur. On a dû se rendre jusqu'en tir de barrage pour voir Nigel Dowse et Michael Camilleri donner la victoire aux siens. De leur côté, les Prédateurs de Nashville viennent aider la cause du Canadien en battant les Bruins de Boston en prolongation par la marque de 4-3. Avec un match en main, les Bruins sont donc encore 3 points d'avance sur Montréal en 3e position dans l'Est. Toujours dans la Ligue nationale, le joueur des Canucks de Vancouver, Manny Malhotra, sera à l'écart du jeu pour une période indéterminée. Malhotra a reçu une rondelle déviée près de l'œil gauche et a dû subir une opération. À la boxe maintenant, le combat opposant Renat Saint-Just et Alejandro Berrio n'aura finalement pas lieu. Le gérant du boxeur de Repentigny, Hugues Jean-Claude, a confirmé jeudi que son protégé ne participera pas au gala de samedi en raison d'une laryngite. En l'absence de Saint-Just, la demi-finale sera assumée par Pierre-Olivier Côté et qui affrontera Michael Lozada. De son côté, Bouté affrontera Brian McGee. Au tennis maintenant, Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi d'Indian Wells en vainquant le Croate Ivo Karlovic en 3 manches de 5-7, 6-1 et 7-6. C'est la 6e fois de suite que Nadal atteint les demi-finales lors de ce tournoi. Au sport amateur maintenant, les dirigeants de Hockey Québec et de Hockey Mauricie se sont réunis mercredi à l'hôtel Delta de Trois-Rivières afin de discuter de la prochaine Coupe Doge qui se déroulera en Mauricie le 6 avril prochain. Au total, c'est plus de 3000 hockeyeurs double lettre qui sont attendus dans la région. La Mauricie reçoit les finales provinciales pour la 3e fois de son histoire après les éditions de 1984 et 1998. De leur côté, les filles devront plutôt se diriger vers la région de Montréal alors que pour la première fois, le volet féminin et masculin ne sera pas disputé dans la même région. Au sport universitaire maintenant, les Patriotes soccer masculins sont en série éliminatoire et recevront l'Université McGill dimanche après-midi à 15h30. Plus tôt dans la journée, les deux autres équipes en demi-finale, soit UQAM et Laval, s'affronteront également. Les deux rencontres seront disputées au centre Alphonse Desjardins. Voilà, c'était vos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Alors, messieurs, on y va, il est présentement 10h38, donc on va faire ça plus que rapidement là, du côté de la boxe. Parce que de toute façon, je pense pas que c'est le combat de la vie de Lucien Bouté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après avoir eu un Jean-Pascal Chad Dawson, après avoir eu un Jean-Pascal Bernard Hopkins, Lucien Bouté et Brian McGee, là, c'est pas... dans la même case c'est horaire. C'est pas dans la même case horaire. Et hein? J'en parlais hier justement avec un de mes amis et Lucien Bouté souffre beaucoup du Super Six en ce moment. Ouais. Là, ses six opposants naturels et logiques sont là et sont en contrat, peuvent pas se battre à l'extérieur d'entre eux. Donc, ça commence à être un peu long pour Lucien. Mais on veut affronter jambon après jambon. On veut affronter le gagnant du Super Six, je pense, ouais, par la suite. Là, d'après moi, on n'aura pas l'autorisation d'affronter directement le gagnant, mais on risque de pouvoir passer là, dire, par le finaliste et par la suite okay, ouais. Le gagnant. Donc, fait deux fois, les gars, que vous parlez en même temps la même chose. On est synchro. Parce que là, du côté de Maggie, là, rien contre lui, là, il m'a rien fait personnellement, là, mais ça fiche de 34-3-1. En 38 combats, bon, 35 ans, c'est plus un jeune. Il est classé 13e, selon BoxRec, là, il est classé 13e au monde dans sa catégorie, mais je regarde ses derniers combats, il n'y a pas grand nom connu, à part Carl Froch, contre qui il avait perdu par KO au 11e ronde. C'est pas mal ça. Vitaly Tsipko aussi, bon, qui avait affronté Tsipko, là, qui, de son côté, ça, c'est en 2005, ça date. Tsipko, qui, on s'en souvient, avait affronté Librado Andrade ici et avait perdu. Donc, c'est pas des grands noms. Et si vous voulez mon avis, là, c'est un autre jambon qu'on met devant en attendant que quelqu'un... C'est correct, ça donne l'argent à Interbox, ça donne l'argent à Lucien Bouté, mais là, on parle de plus en plus d'une possibilité d'un combat contre Michael Kessler et qui serait aisément le plus gros adversaire que Lucien Bouté a jamais eu. Et il est temps que quelque chose se pointe, comme tu disais. Et on parlerait d'un combat, par contre, qui serait disputé en Roumanie plutôt qu'à Montréal. C'est plate un peu pour nous qui encourageons Bouté depuis des années. C'est plaisant pour lui, Bouté, qui vient... De se battre devant sa famille. Ouais. Et j'ai surtout l'impression que ça va être plus rentable. Effectivement. Du côté d'Interbox. C'est pour ça que j'avais le regard piteux. C'est effectivement le cas. D'après moi, ça va coûter beaucoup moins cher au niveau des droits j'ai juste de location, mais en fait, c'est pas vraiment non, ça. Non, à vrai dire, si tu veux... La tenue de l'événement, ouais. Disons, en sol roumain. Donc, et justement, à ce niveau-là, ça va être plus rentable parce qu'en même temps, on fait un stunt événementiel incroyable. Ouais, puis au niveau de la vente de pay-per-view, ben ça, les Québécois n'ont pas le choix de l'acheter s'ils veulent le voir ou de se déplacer dans les cages au sport, qui sont propriétés de Jean Bédard, qui est aussi investisseur Interbox, dans Interbox. Avec le groupe voilà. Sportscene. Avec Sportscene, exactement. Donc, la convergence, il y en a partout. Ah ouais, c'est ça. Mais le combat de samedi... Ça bien dans la cage au sport. Ben, pour... Ben, non, mais que ben, ça permet d'avoir la diffusion des matchs à la cage au sport. Ouais, mais tu l'aurais eu tu à l'heure. Tu l'aurais non, pareil. Non, parce que tu l'aurais pareil. Je suis un ancien employé de la cage au sport et je me dois de. C'est beau. Vendu qui ressort. Je suis un ancien employé de Jarvis puis je vous parle pas de ses péquets. Ouais, donc, mais disons que le combat à fin de semaine et la carte un peu aussi, je m'en contrefous. Je m'en contrefous totalement. Par contre, on nous parlait de. Je vous sors son nom, là. Je veux juste pas me tromper. Vanessa Martirosyan, qui est un Américain. On dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de très positives sur lui. Ça serait un gars qui est en pleine ascension, là, selon lui. Il va affronter Vladimir Hernandez là, durant cette carte-là. Et c'est un échange de talent avec l'équipe Top Ring, le groupe Top Ring aux États-Unis, qui est un gros groupe de boxe, et qui va venir, bon, on s'échange. De l'autre côté, on parle d'envoyer certains boxeurs aux États-Unis, là, se faire connaître un peu, se faire un nom dans les galas Top Ring du côté d'Interbox. Donc, c'est une relation qu'on a entre les deux. Donc, regardez ce Martirosyan. Ça pourrait être très intéressant voir ce qu'il va pouvoir faire. Ça va en musique. On s'en va écouter Against Me en direct. Là, une chanson live ce matin. Avec, on reste dans le thème de la Saint-Patrick. On s'en va écouter la chanson Pints of Guinness Make You Strong. Et au retour, JP Grenier se joint à nous. On va parler du March Madness qui vient de débuter là, du côté des États-Unis. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Pour encore... 15 minutes. We'll be right back. C'était Against Me avec la chanson Pints of Guinness Make You Strong. Il se joint à nous directement de Sherbrooke, M. JP Grenier. Ça va bien, JP? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Good. JP? Oui. C'est commencé, c'est fait, le March Madness qui a débuté hier. Moi et Philippe, hier, on s'est amusé dans mon bureau. Faut que je raconte ça. C'est tout simplement génial. Les gens. Je raconte jusqu'à la fin. Là. Ah oui, je le raconte jusqu'à la fin. Les gens qui, bon, vous voulez écouter les matchs du March Madness de votre bureau parce que vous êtes au travail. CBSSports.com, tout simplement, offre la diffusion de tous les matchs. Et dans leur, l'écran, le lecteur de vidéo, si on veut, il y a un bouton boss en haut. Bouton que je ne savais pas à quoi ça servait exactement. Boss comme dans patron en anglais. Ouais, patron. Mm-hmm. Je clique dessus. L'image se transforme en une boîte courriel. Le son arrête. Puis c'est une boîte email. Tu es capable de jouer dans les emails qui sont là-dedans. Tout ce qu'il y a de plus Outlook, mettons. Là. Ouais, ça ressemble vraiment à un Outlook. Tu as vraiment l'air d'être en train de travailler. Ouais. Ah. Et c'est la chose la plus drôle. Et après ça, tu as le bouton return, retourner, tu recliques, le basket recommence. C'est félicitations, j'ai juste ça à dire. C'est magnifiquement bien passé. Félicitations, c'est génial, ça a fait ma journée hier. un autre qui a fait la journée, on est dans notre pool présentement, JP, moi et Phil, on s'est joué à un pool. Et présentement, malgré le fait qu'on a fait nos choix, moi relativement au hasard, Philippe, pas mal au hasard à 100%. On est tous les deux premiers sur 30 personnes. JP, comment t'analyses ça? Ben, écoute, c'est de la loc, là, pas mal. Il y a des équipes déjà qui étaient censées gagner, qui ont déjà... ils ont déjà perdu, là, par exemple. Hier, on avait un excellent match Louisville-Morehead State. Ouais. Écoute, Louisville, il était au quatrième rang dans leur division. Déjà fait sortir contre une équipe qui était 13e. Donc, déjà là, ça fait perdre pas mal de points au monde. Donc, Louisville, moi, je les avais amenés, par exemple, jusqu'en quart de finale. Donc, ça fait mal en partant, là. T'es amené au Elite Eight? Oui. Moi, je les emmenais jusqu'au semi. Donc, ça me fait perdre deux choix. C'est les finales régionales. Exactement. OK. Donc, la ronde avant celle de JP. Peux-tu juste nous rappeler tous les noms, JP, qu'on se... La ronde des 16, après ça, c'est le... La ronde des 8, Elite 8. C'est les 8 meilleures équipes. Puis, t'as le Final Four qui... décide les 4 meilleures équipes, une de chaque division, et t'as la finale nationale là, qui est... Pour les gens à la maison, qu'on va utiliser des termes que vous connaissez peut-être un peu moins. Donc, comme on dit, Final Four, les 4 dernières équipes, le Elite 8, les 8 meilleures équipes. Et Sweet 16, qui est les 16 meilleures équipes. Après les 16 douces. Les 16 douces, exactement. Oui, on pourrait traduire les 16 douces, je ne suis pas sûr en tout cas. JP, les surprises d'hier, t'as parlé de Morehead State qui a battu Louisville, une belle surprise. On peut parler aussi de Richmond contre Vanderbilt, sans me vanter, j'avais appelé Richmond pour battre Vandy et ça s'est réalisé, on a joué un excellent match là, du côté des Spiders. Oui, exactement, moi j'avais mis aussi Vanderbilt quand même, un bel espoir à ce niveau-là, en plus un match serré, le 69-66. Personnellement, je n'ai pas écouté ce match-là, sauf que, écoute, Vanderbilt, qui est quand même une équipe assez défensive, donc les Spiders de Richmond qui ont réussi à percer le mystère de Vanderbilt, mais moi, le match que j'ai retenu plus particulièrement, c'est Gonzaga qui a battu St. John's. On sait St. John's, ils ont été quand même assez médiatisés tout au long de l'année là, au niveau national, eux qui affichent des bons joueurs, sauf que leur joueur clé s'est blessé, donc... écoute, direct avant le March Madness, ça n'a pas fait long feu leur affaire. Moi, j'avais beaucoup plus d'espoir. De toute façon, je les mettais perdants à leur deuxième match. Mais quand même, le Gonzaga qui représente une belle surprise. Hey, eux JP, qui étaient classés 11e. JP, moi, je le savais que Gonzaga allait passer. Comment ça? Ben, je les ai prédits. Ah! JP, moi aussi. puis Richmond aussi. Fait que... Les gars, vous êtes vraiment des experts. Ouais, je veux dire, pluguez-nous à ESPN suite, direct. Ça sera écoute, la passée, j'ai fini avant-dernier là, dans le pool. Là. Moi, je me suis dit, cette année, il me faut un top 10. Là, présentement, je suis 12e sur 24. Donc, ouais, il est encore tôt, hein, parce que dans ce type de pool-là, les pools du March Madness, plus t'avances dans les rondes, plus les matchs valent des points. C'est-à-dire que présentement, les matchs de première ronde valent 2 points, alors que la finale vaut 32 points. Donc, si tes deux équipes participent à la finale, ben félicitations, tu te garantis pas mal de finir dans les top 3. Hein. Puis ce qui est le fun, c'est que il me reste juste une conférence que j'ai encore toutes mes équipes, et c'est celle où il n'y avait qu'un match. Donc, À ce sujet, Southeast, tous les matchs sont joués et j'ai tous mes choix. Félicitations. Quand même, hein? Ouais. C'est pour. Je me surprenais. Je me dirigeais vers une partie parfaite, moi aussi, dans cette conférence-là, jusqu'à ce que UCLA batte Michigan hier dans un excellent match, hein, JP? Oui, écoute, Michigan State, l'an passé, qui ont fait le Final Four, je pense, dans les 5 dernières années, ils l'avaient fait 4 fois le Final Four, sans toutefois gagner. C'est un peu l'équipe qui réussit jamais à mettre tout pour gagner. Donc, on se demandait si cette année, ça allait encore arriver dans le fond, là. En plus que tout leur partant était de retour, finalement, ça n'a pas viré comme qu'ils auraient voulu. UCLA, les Bruins, qui l'emportent par 2 points dans un match chaudement disputé. Donc, écoute, j'avais prédit les Bruins, qui est pas mal une de mes équipes préférées, là. Je les mets même jusqu'au Elite Eight. Donc, écoute, la division Southeast, qui est pas mal ma préférée, là. Des équipes comme Butler, Pittsburgh, on a Wisconsin, ils ont gagné contre Dartmouth. On a BYU qui sont excellents. Donc, moi, je pense que c'est ma conférence préférée à date, là. Ben, il y a des conférences qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, là. À date, c'est sûr qu'on n'a pas vu grand-chose de la conférence Est. Qui inclut Ohio State, entre autres. Et on dit que ça serait la conférence qui serait probablement la plus difficile du fait qu'on y retrouve Ohio State, North Carolina et Syracuse, des équipes qui sont capables de se rendre jusqu'au Final Four. Mm-hmm. Même Kentucky, là, si on veut, là. Ben écoute, Kentucky, l'an passé, était les grands favoris, donc sont quatrième cette année dans leur propre propre classement, mais... Malheureusement pour Kentucky, on est dans le haut et on va affronter Ohio State en quelque part, là. Puis même West Virginia sont très forts, là. Mm-hmm. Une équipe qui passe très bien le ballon. Moi, c'est le match que j'ai écouté hier sur Internet, West Virginia contre Clemson. WVU qui ont gagné 84-76, là. Ça n'a pas été très serré, sauf qu'on a vu une domination. Clemson, qui selon plusieurs, était plus ou moins supposé se retrouver là. On a bien vu pourquoi. Kentucky, là, qui cette année, du sang à John Wall, mise beaucoup plus sur un concept d'équipe que l'an passé que l'individualisme. C'est un des seuls matchs, là, celui-là, West Virginia contre Clemson, où on a vu vraiment une domination là, dans les matchs qu'on a eu la chance de voir hier. C'était vraiment là à sens unique du côté de West Virginia. Alors que dans les autres matchs, ben c'était beaucoup plus serré, c'était beaucoup plus intéressant. Ça va être un bel affrontement entre Kentucky et West Virginia. Puis dans les matchs qui étaient intéressants hier, comme tu dis, il y avait Penn State contre Temple. Penn State se dirigeait allègrement vers la victoire, une avance confortable. Puis, je sais pas ce qui est arrivé, mais Temple ont comme mis la machine en marche, ils ont rattrapé, puis ils ont perdu. Puis, voilà une de mes prédictions déjà qui était pas bonne. Donc, ben, moi, je l'ai eu. Tu sais, c'est pas facile ta vie, JP. Je le sais. Mais on s'en fout parce que, anyway, Penn State, je les mettais perdants tout de suite. Donc, ah, c'est bon. En mettant une équipe qui ne se rend pas si loin que ça, j'aime mieux perdre ces matchs-là. Que, comme tu dis, les matchs payants, là, ou les équipes que tu penses qui vont se rendre loin, puis que finalement, C'est un peu pourquoi, moi, je suis dans le trouble sur une de mes prédictions, c'est-à-dire une de mes deux défaites, celle de Michigan State. J'emmenais Michigan State jusqu'au Elite Eight. Donc, à partir de là. Ça fait déjà 3 matchs de perdu. J'ai 3 matchs de perdu, assurément. Là, j'espère toujours la victoire de BYU. Et c'est ce qui me laisse là. Et si UCLA pourrait battre Floride, ça laisserait la voie plus facile à... Ah, ça change rien pour moi, excusez, non, dans ce cas-ci. C'est Wisconsin qui doit l'emporter pour moi, sinon cette région-là, malgré une seule défaite, est pas mal ruinée là dans mon cas. Et c'est ça, c'est que dans ces prédictions-là, ça va extrêmement rapidement entre tout allait bien et maintenant tout va mal. Oui, c'est pour ça que là, on en profite pour faire nos intelligents connaisseurs parce que probablement que plus rapidement qu'on le pense, ça va s'effacer sous nos yeux. JP, qui t'a mis champion national? J'ai mis Kansas, moi, cette année. C'est eux que j'avais mis l'an passé contre Kentucky. Malheureusement, ça n'a pas été si bien pour eux. J'y vois avec le choix de M. Obama. Donc, Kansas, cette année, contre Duke en finale. malgré mon allégeance pour les Blue Devils. Bon, ben, on a tous les deux Duke, mais toutefois, moi, j'ai mis Notre Dame qui devrait battre Kansas. Là. Ouais, un choix quand même surprenant là, dans ton cas. JP, ouais. JP me disait ça aussi, mais ils n'ont pas de mauvaise équipe, là, Notre Dame. Non, puis j'ai l'impression là qu'ils profitent aussi un peu peut-être d'une section de tableau un peu plus facile. On va voir, mais écoute, je te dis ça, puis... Ça a le temps de changer. Je m'écoute parler, puis je me dis, finalement, Phil, nomme-en donc un joueur, puis je me réponds pas. Chris Joseph. Mais je suis très confiant de voir Notre Dame se rendre en finale nationale. Du côté de ma finale nationale, j'y étais avec Duke, comme vous, donc là-dessus, c'est pas compliqué. Si Duke perd tôt dans le... on appelle ça en anglais « busté », c'est-à-dire notre braquette vient d'exploser, là, si on veut. Et moi, je vois Kansas s'affronter, Kansas et Duke. Le reste de mon Final Four est composé d'Ohio State. Et ma grosse surprise du tournoi, Wisconsin, classé quatrième dans la braquette sud-est, que je vois se rendre jusqu'au Final Four avec je vois Pittsburgh choquer. Je vois pas Pittsburgh se rendre jusqu'au bout parce que c'est une équipe qui est habituée de choquer et qui probablement aurait pas dû être classée première là, selon ce qu'on pouvait lire sur le sujet. Ben écoute, pour Ohio State, il y en a gros qui m'ont demandé, mes amis, pourquoi tu ne les as pas mis dans la finale. Moi, je me suis dit, écoute, ils jouent dans la conférence la plus difficile, donc s'il arrivait qu'ils perdaient, je veux pas les mettre en finale, je veux avoir mes points, donc je suis allé quand même conservateur à ce niveau-là, donc j'ai hâte de voir lundi... ce que ça va donner, après la première fin de semaine. Exactement, ça va déjà, les cartes vont être brouillées déjà. Là. C'est ce qui rend l'exercice extrêmement agréable à faire. C'est la première fois que j'en fais un, et puis bon, vous le savez, là, j'aime beaucoup le basket universitaire, mais je suis pas nécessairement un connaisseur. Et de faire ça justement à l'avance, ça rend vraiment là, le challenge super intéressant. Ça te donne pas mal plus le goût de suivre le tournoi. Ouais, ben oui. Donc, parlant de suivre le tournoi, les matchs, là, les prochains matchs qui vont se dérouler, je vous dis ça. Je vous le dis pas là. Je pensais que j'avais l'horaire, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, regardez ça comme je dis, CBSSports.com, c'est le meilleur endroit là pour suivre ça, sans aucun doute. Tous les matchs sont en direct en plus, donc ça, c'est super intéressant. Je l'ai l'horaire là, il s'en vient. Le premier match, c'est ce soir, 6h50. Non, pas vrai. Je vous dis rien. Allez voir sur internet. Sur TSN aussi. Texas affronte Oakland à 12h15. TSN et TSN2 aussi diffusent des matchs. On se quitte. Merci beaucoup, JP. Merci, boys. Salut, JP. Salut. Bonne semaine. Salut. On se quitte en musique avec Chicken Swell et la chanson Victime. Donc, c'est-à-dire la chanson que plusieurs personnes vont dire qu'ils sont ce matin avec le mal de tête qu'ils vont avoir après leur brosse d'hier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous avez été à l'écoute de l'inconduit de partie. Pour Philippe et Marc-Antoine, JP, Jonathan, je suis Nicolas Ducham. Bonne journée tout le monde! Ça va mal, ben, sauf moi, là, tu sais. Le monde est con, le monde est épais. Si c'est moi qui gouvernerais, ça irait bien mieux, mais aujourd'hui, il fait frette, fait que je vais rester en dedans.